Art flamand, de poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Art flamand. Ah, art flamand, tu les connus, toi, et tu les aimas bien, les gouges, au torse épais, au téton rouge, tes plus fiers chefs-d'œuvre en font foi. Que tu peignes reine, déesse ou nymphe, émergeant des flots, par troupes en roses îlots, ou sirènes enchanteresses, ou femelles aux contours pleins, symbolisant les saisons belles, grand art des maîtres, ce sont elles, ce sont les gouges que tu peins. Et pour les créer, grasse, nue, toute charnelle, ton pinceau faisait rougeoyer sous leur peau un feu de couleurs inconnues. Elles flamboyaient de tons clairs, leurs yeux s'allumaient aux étoiles, et leur poitrine sur tes toiles formait de gros bouquets de chair. Les sylvains rôdaient autour d'elles, ils se roulaient, suant d'amour, dans les broussailles d'alentour, et les fourrés, pleins de bruit d'ailes. Ils amusaient par leur laideur, leurs yeux, points ignés trouant l'ombre, illuminaient, dans un coin sombre, leur sourire, gras d'impudeur. Ces chiens en rue cherchaient des lys, elles, du moins pour le moment, se défendaient, frileusement, roses et resserrant les cuisses. Et elles, plus folles encore, arrondissant leurs hanches nues et leurs belles croupes charnues, où cascadaient leurs cheveux d'or. Les invitaient aux assauts rudes, les excitaient à tout oser, bien que pour le premier baiser, ces femelles fissent les prudes. 2. Vous conceviez, maître vanté, avec de larges opulences, avec de rouges violences, les corps charnus de vos beautés. Les femmes pâles et moroses ne miraient pas dans vos tableaux, comme la lune au fond des eaux, leur étisie et leur chlorose. Leur front triste, comme les soirs, comme les dolentes musiques, leurs yeux malades et phtisiques, où m'y cassent les désespoirs. Leur grâce fausse et gommée, s'alanguissant sur les sofas, sous des peignoirs en taffetas et des chemises parfumées. Vos pinceaux ignoraient le phare, les indécences, les malices et les sous-entendus de vices qui clignent de l'œil dans notre art. Et les Vénus de colportage, les rideaux à demi tirés, les coins de chair moitié montrés dans les nids du décolletage. Les sujets vifs, les sujets mous, les cythères des bergeries, les pamoisons, les hystéries, l'alcôve, vos femmes à vous. Dans la splendeur des paysages et des palais lambrissés d'or, dans la pourpre et dans le décor somptueux des anciens âges. Vos femmes suaient la santé, rouges de sang, blanches de graisse, elles menaient les rues en laisse avec des airs de royauté. Fin de Art flamand.